demain. Oublie tout, ne pense plus à rien. Ne dis rien, surtout pas. Ne dis rien, suis-moi. Ne dis rien. Suis-moi jusqu'au bout de la nuit.